J'ai dépêché mes porte-avions, mes GIS et mes munitions. J'ai invité tout plein de pays. La guerre, ça se prépare entre amis. Ça fait 10 ans que j'attendais ça, finir le sale boulot de papa. Ça fait 10 ans que j'attendais ça, déployer toute mon armada. Oh, God bless America. Une bombe par-ci, une bombe par-là. Au nom de Jésus ou d'Allah, la grande boucherie continuera. Relancer la consommation, la guerre qui veut pas dire son nom. Les actionnaires sont rassurés, il y aura plus jamais de krach boursier. L'Irak se reconstruit déjà, au bruit des bottes et des soldats. Les contrats sont déjà signés, après le pétrole, l'immobilier. Oh God bless America. Une bombe par-ci, une bombe par-là. Au nom de Jésus ou d'Allah, la grande boucherie continuera. Oh God bless America. Une bombe par-ci, une bombe par-là. Au nom de Jésus ou d'Allah, la grande boucherie continuera.